nous notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Toi dans les profil de carrière a été bloqué, ça fait des années et des années. Il y a tes avantages qui te seront versés. L'Éternel va débloquer ta situation et je déclare que dans les mois qui vont suivre, l'année prochaine, l'Éternel va débloquer tes avantages. Et ceux qui bloquaient ta nomination, ceux qui bloquaient tes avantages, Dieu va les confondre et tu sauras qu'il y a un Dieu qui s'appelle Yahvé Tchikenou. Réveille-toi, commence à invoquer son nom et à prier, à briser toutes ces puissances qui t'ont bloqué pendant longtemps. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Marc chapitre 2, versets 18 à 28. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons donc Marc chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 28. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre les vins nouveaux dans des outres neuves. » Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar et mangeant les pains de proposition qui n'est permis qu'au sacrificateur de manger et en donnant même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité, c'est que nous devons bannir l'attitude ou l'esprit légaliste. Il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens qui pensent que la vie chrétienne consiste à l'observation des rites, des cérémonies, des règles. Et ils s'en tiennent à ces choses et négligent l'essentiel. Ça, c'est l'attitude légaliste. Nous avons deux faits dans ce texte qui démontre cette attitude. D'abord, le premier fait, c'est l'attitude des disciples de Jean-Baptiste. Vous voyez, ces disciples avaient l'habitude de jeûner. Pour eux, le jeûne était une pratique importante. C'est devenu quelque chose de légaliste. Donc, quelqu'un, un disciple, un bon disciple doit jeûner. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le jeûne. Il y a même des gens qui vont voir des pasteurs. Ils pensent que pour être délivré d'un lien quelconque, il faut nécessairement jeûner. Il y a ceux qui prescrivent des jeûnes comme des prescriptions médicales. Bon, pour ton problème, tu jeûneras pendant 7 jours, pendant 21 jours, pendant 40 jours. Il y a ceux qui en font vraiment des règles qu'on doit observer nécessairement. Ça, ça devient une attitude de légaliste. C'est cette attitude qu'avaient les disciples de Jean. Et puis, écoute, ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? En d'autres termes, ils ont trouvé anormal le fait qu'eux jeûnaient. Donc, ils se disaient que c'est nous les vrais disciples. Pourquoi tes disciples, toi Jésus, ils ne jeûnent pas? Ça, c'est l'attitude légaliste. Il y a des gens qui pensent que le jeûne devient comme une discipline mystique, quelque chose de mystique qui permet à Dieu de bénir, de déclencher quelque chose. Certes, le jeûne, c'est un exercice qui est important. Mais lorsque derrière la tête, on pense que le jeûne devient comme un exercice magique, que dès que je jeûne, j'atteins un niveau de spiritualité élevé, ça devient une attitude légaliste. Et surtout quand on commence à juger les autres. Toi, tu ne jeûnes pas, pourquoi? Jésus dit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Vous voyez, il parle de manière imagée. En réalité, il voulait dire l'époux, c'est lui Jésus. Il dit que les amis de l'époux, c'est-à-dire que ses disciples, ils sont là. Pendant que Jésus lui-même, qui est Seigneur et Dieu, est présent, ils n'ont pas vraiment nécessairement besoin de jeûner. En fait, lorsque nous jeûnons, qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons la présence divine. Nous nous approchons plus de Dieu. C'est ça. Le jeûne, c'est une abstinence naturelle, des désirs naturels et charnels pour nous dédier au développement de l'homme intérieur, pour nous approcher beaucoup plus de Dieu. Alors, Jésus veut dire, si moi, physiquement, je suis déjà là, ils sont dans ma présence. Alors, le jeûne, à quoi sert-il? Donc, il ne faut pas prendre le jeûne comme quelque chose de mystique qu'on doit faire par routine. Nous devons le faire seulement pour le faire. Deuxième fait qui montre l'attitude légaliste, c'est l'attitude des pharisiens. Qui sont venus encore apporter un jugement contre les disciples de Jésus. On dit, lorsque Jésus a traversé des champs de blé, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Et c'était un jour de sabbat. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'accent sur le jour. Il y a même des gens qui font des débats. Est-ce que quel est le jour du culte? Est-ce que c'est samedi ou c'est dimanche? Ou c'est le sabbat? On doit respecter le sabbat. Ça, c'est l'attitude légaliste. Dans le Nouveau Testament, vous allez voir que le sabbat n'est plus un commandement qu'on doit observer parce qu'il y a l'esprit de sabbat, c'est l'esprit de repos. Vous voyez, on dit que c'est pourquoi le Seigneur fixe un nouveau jour, on dit aujourd'hui. Vous voyez, les pharisiens, pour eux là, parce qu'ils étaient encore dans le judaïsme, dit, il faut appliquer le sabbat. Les jours du sabbat, on ne doit rien faire. C'est-à-dire que même si quelqu'un est affamé là, tu ne dois pas manger. Pour lui, le fait même d'arracher les épis, c'est de faire du travail le jour du sabbat. Vous voyez? Ça, c'est l'attitude légaliste. Celui qui a l'attitude légaliste, il voit les choses à la lettre. Il ne veut pas voir l'esprit du commandement, mais il veut voir la lettre. Or, la Bible nous dit que la lettre tue, mais la charité ou bien l'amour vivifie, l'esprit vivifie. Et Jésus, il montre en rappelant l'exemple de ce que David avait fait pour dire que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le fils de l'homme, c'est-à-dire que lui Jésus, il est le maître du sabbat. Deuxième grande vérité, faisons attention à toute pratique syncrétiste. Vous voyez ici, Jésus veut nous enseigner quelque chose d'important. Il veut montrer que la vie chrétienne, c'est une transformation. Vous ne pouvez pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres, non. Il voulait dire qu'on ne pouvait pas pratiquer le christianisme. On ne pouvait pas être chrétien tout en étant pratiquant du judaïsme. Vous voyez, le judaïsme, c'est les vieilles outres. Il faut donc renoncer à ces pratiques-là. Le christianisme n'est pas la continuité du judaïsme. Parce que dans le judaïsme, les gens suivaient la loi de Moïse. Et la Bible nous montre que la loi, c'est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Alors, tous ceux qui veulent continuer à observer les pratiques du judaïsme, tout en étant chrétiens, ce sont des gens qui veulent mélanger une pièce de drap neuf à un vieil habit. Ou bien ce sont des gens qui veulent mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Vous voyez, il faut changer de vie. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que toi tu es chrétien d'un nom, c'est ma des traditions. Tu dis, moi, je suis catholique, je suis protestant, mes parents sont catholiques, mes parents sont protestants. Je pars toujours à la messe, j'étais même au petit séminaire, au grand séminaire. Moi, j'étais à l'école des dimanches, moi, je connais tous les cantiques. Mais tant que tu n'as pas encore connu Jésus de manière personnelle, ta vie n'est pas transformée. Tu ne peux pas continuer à servir le Seigneur tout en étant dans cette attitude de tradition. Non, il faut que ta vie change. Il faut que tu acceptes Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et rompre avec ces pratiques-là. Vous voyez, tu étais un pratiquant de la religiosité. Regardez l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus. Il a mis fin à tous ses pratiques. Il a compris que le judaïsme et le christianisme, c'était différent. On ne peut pas combiner les deux. Vous voyez, les vins nouveaux, on ne doit pas les mettre dans des vieilles outres. Est-ce que tu comprends? Je vais parler à quelqu'un. Ceci peut s'appliquer même dans la vie pratique. À toi, mon ami. Regarde-moi. Tu avais un fiancé, un amant avec qui vous sortiez. Et toi, tu veux convertir, de cette vie-là, de concubinage, tu dis non, vraiment, moi je veux l'épouser. Ce n'est pas évident. Le Seigneur te demande parfois de rompre d'abord avec cette vie de concubinage, avec cette vie d'immoralité. C'est alors maintenant que le Seigneur va te montrer si c'est réellement cette dame-là ou bien ce monsieur-là avec qui tu vas te marier. Et il faut, si c'est lui, il faut laisser d'abord qu'il soit touché, qu'il soit converti. Est-ce que tu comprends? Qu'il se donne à Christ. Mais si tu veux mélanger les choses, c'est comme justement ce que Jésus a interdit. Tu veux mettre des vins nouveaux dans des vieilles outres. Quel Dieu nous aide à ne pas faire ces erreurs-là et que nous puissions lui être entièrement agréables. Nous allons le louer, nous allons le bénir en chantant ces cantiques. Ô Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Bénis ton Seigneur, te lever au-dessus de tout, Seigneur, parce que tu es magnifique, tu es digne de louange et d'adoration. Alléluia. Oh, Seigneur, c'est toi qui donnes. la joie, Seigneur. C'est toi qui donnes la joie, Seigneur. C'est toi qui donnes la joie. C'est toi qui donnes la joie. C'est toi qui donnes la joie. Oh, oh, Seigneur, c'est toi qui donnes la joie, c'est toi qui donnes la joie, c'est toi qui donnes la joie, oh Seigneur. C'est toi qui donnes la paix du cœur, c'est toi qui donnes la paix, Seigneur. C'est toi qui donnes la paix, c'est toi qui donnes la paix, oh, oh Seigneur, c'est toi qui donnes la paix, c'est toi qui donnes la paix, c'est toi qui donnes la paix, oh Seigneur. Alléluia, élève ta voix, dis merci au Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour toi. Il t'a gardé, il t'a protégé, il va encore faire de grandes choses. Nous te bénissons, ô Seigneur notre Dieu, toi qui nous as sauvés par pure grâce. Sois béni, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui ne veut pas que nous puissions tout simplement observer des rites et des sacrifices, mais qui veut que nous puissions nous donner entièrement à toi. Ô, sois béni, notre Seigneur, toi le Dieu qui veut que nous te soyons obéissants. Et quand nous te sommes obéissants, Seigneur, tu te glorifies dans nos vies. Oh, sois béni, notre Seigneur, notre Dieu, toi qui glorifies ceux que tu as appelés. Nous bénissons ton nom et nous te magnifions, notre Seigneur, notre Dieu, pour le Saint-Esprit de vie qui nous transforme. Merci au Père de transformer encore aujourd'hui tes enfants qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci de toucher le cœur le plus endurci, car c'est toi seul qui as la capacité de transformer, de changer le cœur. Oh, béni sois-tu notre Père, notre Seigneur. Toi le Dieu qui veut te glorifier à travers la vie de chacun de nous. Béni sois-tu, ô notre Seigneur, notre Père, toi le Seigneur des gloires, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable. Que l'honneur te revienne en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Notre émission s'appelle OSB, Opération sous la brèche. Nous prions chaque 5 heures du matin. Et cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Notre passage, c'est Marc 2, 18 à 28. Nous venons de voir que nous devons bannir l'attitude des légalistes. Cette attitude qu'avaient les disciples de Jean-Baptiste qui jugeaient les disciples de Jésus parce qu'ils ne jeûnaient pas. C'est cette attitude qu'avaient des pharisiens qui voulaient juger les disciples de Jésus parce qu'ils ont mangé, ils ont arraché des épis les jours du sabbat. Il y a beaucoup de gens qui ont encore cette attitude des légalistes. Oh, c'est tel jour qu'on doit prier. C'est à telle heure qu'on doit prier. Et c'est non pas à telle autre heure. Il faut jeûner nécessairement pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 21 jours. Sans cela, Dieu ne peut pas écouter. Prions pour que Dieu nous libère de cette attitude légaliste et que nous puissions marcher selon l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Excellent Père éternel, nous te louons ce matin, nous te louerons de tout notre cœur. Nous te louerons dans la réunion des hommes droits, nous te louerons dans l'assemblée. Parce que tes œuvres sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Ton œuvre n'est que splendeur et magnificence, et ta justice subsiste à jamais. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants pour des grandes réalisations dans notre vie, pour des grandes délivrances que tu as opérées en notre sein. C'est pourquoi ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous demandons que tu nous libères de tout esprit de légalisme, que tu libères tous ceux que tu as rachetés au prix de ton Fils Jésus-Christ, de toute forme de légalisme, de toute attitude légaliste, dans le nom de Jésus. Christ, tous ceux qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur et qui attachent du prix aux pratiques, qui attachent du prix aux textes, à la mise en œuvre des textes, nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons qu'ils soient éclairés et qu'ils sachent que Jésus est véritablement Seigneur et que le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses. Nous prions au Père éternel, nous demandons que tu leur donnes la provision nécessaire pour marcher selon ton esprit. Nous prions dans le nom de Jésus et nous demandons que tu les éclaires, que ta grâce soit avec eux, afin qu'ils puissent savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur de tout et Seigneur du tout. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, nous allons continuer de prier toujours parce que il y a beaucoup de gens qui continuent encore à vivre dans cette observation des lois, des coutumes, des traditions de leurs églises. Ils s'accrochent plus aux traditions de l'église. Ils ne suivent même pas la parole de Dieu. Et ce sont des gens qui ne sont pas encore transformés. Et Jésus vient de dire, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Ces gens qui se font passer pour des chrétiens, mais ils ne sont pas convertis. Nous allons prier pour que Dieu les aide à se repentir, à se convertir totalement en Christ, au nom de Jésus. La gloire ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, celui qui nous a rachetés à un grand prix. L'Église est ta maison, là où le Saint-Esprit doit agir puissamment. Ta parole doit être au centre de beaucoup de choses. Nous voulons nous lever ce matin dans nos vies, dans nos églises, contre le légalisme, contre la tradition, notre Dieu, le syncrétisme. Nous te prions ce matin, nous t'invoquons ce matin pour tous nos frères, nos prétendus frères qui sont dans nos églises, qui ne veulent pas donner leur cœur totalement à toi, qui vivent encore dans les traditions, qui vivent encore dans le légalisme, qui vivent encore dans le paganisme, qui vivent encore dans des choses qui n'ont rien à voir avec ta parole. Nous voulons t'invoquer, invoquer ton esprit, invoquer ton esprit sur leur vie, sur leur conscience, leur subconscient, leur inconscience, leur supraconscience, afin que ta parole fasse son effet dans leur vie ce matin, que ton esprit agisse puissamment pour que l'état de la vie qui sont entrés dans l'église, notre Dieu, nous voulons les condamner, les briser, les refouler, pour que ta parole fasse son effet, ta parole soit celle-là qui doit être prêchée, enseignée, notre Dieu, notre Père, soit béni ce matin, au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons prier particulièrement à ceux qui veulent se marier. Il y a beaucoup de gens qui veulent forcer. Ils ont des candidats qui ne sont pas encore chrétiens, qui ne sont pas croyants. Et ils veulent mélanger, ils veulent nécessairement forcer les choses. Nous allons prier pour que Dieu les aide, oui, à discerner sa volonté. Parce que ce mélange-là, c'est un mélange dangereux. Oh, tu veux mettre les vins nouveaux dans des vieilles outres. Mélanger un morceau d'habit neuf et un morceau d'habit qui est ancien. Nous allons prier pour que Dieu leur ouvre l'intelligence, pour qu'ils comprennent sa volonté, pour qu'ils acceptent la transformation de vie et qu'ils acceptent d'épouser réellement l'homme et la femme que Dieu lui-même a choisi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sois loué. Au nom de Jésus. Ce matin encore, nous venons à toi parce que le choix que nous faisons peut nous défaire ou nous faire. C'est pour cela que je prie que tu nous donnes le discernement d'avoir, de faire le choix qui convient. Le choix pour notre éternité. Le choix qui va déterminer notre bénédiction. Le choix qui va nous amener à croire, à marcher avec toi, pour te louer, pour vivre pour toi, pour faire ton œuvre et ensemble avec toute notre famille, faire cette œuvre-là pour la gloire de ton nom. C'est pour cela que je prie que toutes les personnes qui sont admises, qui sont aptes à se marier et qui ont fait des choix qui n'honorent pas ton nom, je prie que ce choix n'aboutisse point au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu fermes les portes de leur projet au nom de Jésus. Toutefois, toute personne que tu as destinée à être le choix réel, le bon choix, le choix idéal, le choix pour lequel cette sœur est sortie. Seigneur, je prie que cette rencontre maintenant ait lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'ouvrir les yeux de tes enfants. Merci de parler dans le cœur de tes enfants. Merci, oh, d'intervenir. Car Seigneur, ma prière est une plateforme en cet instant de divine visitation au nom de Jésus-Christ. Ma prière ce matin est une plateforme d'éclairage, de lumière pour quelqu'un, pour connaître les choses cachées qui est dans le secret de l'autre, afin que cela lui donne de faire le choix qui convient. Merci de nous donner le courage. Béni sois-tu l'alpha et l'oméga, béni sois-tu le ressuscité, au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous aurons ce dimanche notre rencontre bonheur conjugal pour les célibataires. Nous allons parler encore de ce thème, comment éviter les mauvais départs. Oui, je vais parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te demande la main. Viens dans cet enseignement. Tu vas comprendre comment le diable pille les gens pour que ton mariage puisse échouer. Ce sera ce dimanche à partir des 17h au Super, dans la même cour que la radio Fréquente Vie. L'entrée est libre. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. À demain.